future. On aime bien les basses, pourtant mes négros ont de la haute couture. H, pour la ceinture. H, derrière la ceinture. Y'a que ce iPhone 4 dans le bloc. Qui dit, plus ton prof de maths. Combien y'a de hashish dans le bloc. Michael Kors, si tu nous prends, la main dans le sac. J'ai plus trop le temps, j'écris mes textes dans des transacs. Comme la pharmacie, le boulanger, le dealer est hâte. J'fais du blé, j'ai rajouté du lait sur mes céréales. Oh 9-1, j'étais sous le Porsche. Y'a la location du 9-1-1, j'étais sous le Porsche. Tu veux qu'on s'arrange, mais ce qui m'arrange, c'est que tu payes en liquide. Tu touches, tu casses, tu payes en liquide. Je suis dans la surface comme Philippot. Dans toutes les bouches comme les Philippot. Fais-nous la bouche, on te fait la peau. Je fais le plein en Philippe Le. Je suis dans la surface comme Philippot. Dans toutes les bouches comme les Philippot. Ouais. Y'a que les cœurs qui restent focalisés. Charlie Delta est localisé. Et nos bigots géolocalisés. J'suis dans la surface comme Philippot. J'manie la gueulante de l'Hieromo. J'suis dans le féfé ou l'hélico. Les femmes de folie nous arrêtent de faire l'idiot. Regarde comment on bute un fils de pute sur le carrelage. Scouty à boîte auto et 4 anneaux sur le carénage. Si t'as pas dicté, on falsifie ton identité. Tu payes pas tes dettes, on vient te niquer. J'en dis pas plus, ils vont flipper. Ne fuis pas, ne crie pas. Je fais pas de pute, je suis sympa. J'suis à Charles de Gaulle, voyage classe à faire. J'suis dans les airs, j'vois même plus la terre. Bang bang. J'suis dans la surface comme Philippot. Dans toutes les bouches comme les Philippot. Fais-nous la bouche, on te fait la peau. Je fais le plein en Philippe Le. J'suis dans la surface comme Philippot.